Ah, dis-moi donc, bergère, à qui sont ces moutons ? Et puis là, quand j'ai repris l'exploitation, que mon papa est décédé, on disait, elle n'en a que pour 3 matins, ça va être vite vendu et tout. Quand je vais dans un atelier de mécanique, en général, la première fois qu'il me voit arriver, il me regarde comme un ovni. Quand on est une femme, on ne peut pas tout faire, comme les gros travaux. Par exemple, attraper les vaches, tout ça, c'est pas toujours facile. Ma mère, elle n'avait pas de numéro de sécurité sociale, elle avait celui de mon père. Mais quand même, ça nous facilite la vie d'avoir un homme sur la ferme. Marion peut compter sur le soutien de ses parents qui ont une entreprise familiale de travaux publics, sur sa maman surtout, pour ce qui concerne la paperasserie. Il y avait à l'époque 52 personnes à la CUMA, dont j'étais la seule femme. En tant que fille, il faut quand même faire beaucoup plus ses preuves qu'un gars. Comme je dis toujours, c'est la charge mentale qui est énorme, quoi. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, une femme n'aurait pas pu être présidente de la FNSEA. C'était pas possible. J'ai toujours conduit les tracteurs comme un homme, quoi. J'ai travaillé comme un homme. Moi, quand j'ai commencé dans les années 2000, on se moquait de moi, reculer la remorque. Des fois, il y a des gens qui arrivent dans la cour et qui nous demandent « Il est où le patron ?» et on leur répond « Là ». Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission Agro J'écoute sur Campus FM. Aujourd'hui, nous allons tenter de porter la voix des agricultrices et de leur redonner leur juste place. Vous venez justement d'entendre les voix d'Anne Sylvestre, Nicole, Claire, Charline, Marie-Paul, Mariana, Marion, Céleste, Stéphanie, Christiane et Mélanie, qui sont issues de plusieurs vidéos dont « Être une femme en agriculture en 2024 » par Mutualia ou encore « Moi, ma ferme et mes vaches », portrait de Nicole Astier, éleveuse de la MSA Sécurité Sociale Agricole. Vous pourrez retrouver les autres références en description du podcast. En effet, malgré les nombreuses avancées qui ont permis de passer de 8% de femmes chefs d'exploitation en 1970 à 25% en 2000, depuis, ce chiffre stagne et les stéréotypes persistent. Alors, pourquoi le secteur agricole peine-t-il tant à dépasser le poids des traditions pour réduire le fossé des inégalités ? Et surtout, comment les agricultrices s'organisent-elles pour relever ces défis ? Agro J'écoute, ça commence maintenant. Agro J'écoute, l'émission où les étudiants de l'école d'ingénieurs de Purpan prennent le micro pour nous parler d'agronomie, d'environnement, d'agroalimentaire et d'agriculture. Agro J'écoute, une émission préparée et conçue par Sophie Yvon et Simon Giuliano. Les paysans ne sont pas les seuls dans le département de l'Aveyron à s'en prendre au symbole de l'industrie agroalimentaire. Tous les produits en cidre devraient être interdits. En partenariat avec Campus FM, l'Université fédérale de Toulouse et l'école d'ingénieurs de Purpan. Cet épisode vous est présenté par 3 étudiantes et étudiants de l'école d'ingénieurs en agronomie de Purpan à Toulouse, Camille, Romain et moi-même, Marie. Nous allons également accueillir Gwenaëlle Falchi et Laura Guillemine, 2 agricultrices du groupe Femmes du CIVAM Loire-Atlantique, qui vont nous parler de leur expérience au sein de ce collectif en non-mixité choisie. Nous allons commencer par vous faire un état des lieux de la place de la femme dans l'agriculture. Nous avons pu en discuter avec Madame Chloé Lebrun, enseignante-chercheuse en sociologie, qui s'intéresse aux contestations des rapports de genre en viticulture. C'est d'ailleurs le sujet de sa thèse réalisée en 2022. Et ce que nous avons compris, c'est que les agricultrices viennent de loin. Avant l'introduction des machines en Europe, au XXe siècle, la femme s'occupe des tâches pénibles, semer, récolter, désherber, en plus des tâches domestiques. Mais lors de la dynamisation d'après-guerre, l'industrialisation remplace peu à peu le travail pénible. Les tracteurs apparaissent dans les campagnes et sont surtout conduits par des hommes, ce qui remplace le travail agricole réalisé par les femmes. De plus, le travail domestique est séparé du travail à la ferme dans le recensement. Le travail des femmes est dévalorisé et n'est pas reconnu, ce qui ne leur donne pas accès aux droits sociaux. Aujourd'hui, les femmes sont de plus en plus présentes dans tous les aspects de l'agriculture. Pourtant, elles ne sont que 10% au conseil d'administration de la FNSEA, premier syndicat agricole. Elles font toujours face à de nombreux obstacles dans la construction de leur place dans le monde agricole, et nous allons vous les présenter. Donc le premier thème que nous avons choisi d'aborder est l'installation agricole, et c'est vrai que c'est un thème qui me tenait à cœur parce que je viens du monde agricole, avec mon père qui a une exploitation en viticulture et bovin-viande, et pendant des années je ne pensais pas du tout à m'installer sur l'exploitation, mais ce projet a changé récemment, et dans ce contexte je me suis posé beaucoup de questions, donc notamment financièrement, comment ça se passe ça se passe quand on s'installe. Donc il existe une aide, la DJA, ou dotation jeune agriculteur, et elle aide les jeunes à s'installer. Et aujourd'hui, les femmes en bénéficient moins. Par exemple, en 2020, sur 40% des femmes qui se sont installées, seulement 23% des femmes ont bénéficié de la DJA. Et ça s'explique notamment par le fait qu'elles vont s'installer plus tardivement, soit parce qu'elles vont avoir des enfants ou encore parce qu'elles vont connaître d'autres métiers avant de s'installer sur une exploitation agricole. Et il faut savoir que l'un des critères pour obtenir la DJA, c'est d'avoir moins de 40 ans. Ensuite, il existe d'autres aides dont vont dépendre les agriculteurs et agricultrices pour leur activité, et c'est la PAC, Politique Agricole Commune. Et les conditions d'attribution de la PAC, elles vont renforcer les inégalités de genre. En effet, les femmes, en majorité, elles vont être sur des exploitations de petite taille, type maraîchage ou encore élevage de petits animaux. Et pourtant, les aides de la PAC, elles vont plutôt encourager des exploitations type céréalière, bovin-lait, viande ou encore polyculture-élevage. Et dans ces exploitations-là, les femmes, elles sont moins représentées que les hommes. Elles représentent environ 25%. Et pour finir, en agriculture, on a souvent besoin de faire des investissements importants. Et donc pour ça, on fait appel aux banques avec des prêts bancaires. Et il y a de nombreux témoignages qui nous montrent qu'il est plus difficile pour une femme d'obtenir un prêt bancaire, notamment parce que les banques, elles sont plus craintives. Et donc pour ça, on va écouter Nadège Arbel dans « Moi agricultrice », un documentaire LCP. Donc j'ai repris le domaine officiellement en 2019 et dès 2020, j'ai voulu créer ma société de négoce. Et au bout du deuxième refus, ou du troisième même, je ne compte plus. Je crois que j'ai eu trois refus. Et au bout du troisième, j'ai eu ma conseillère bancaire et puis j'étais encore à lui parler chiffres. Et là, elle me sort, mais ce n'est pas une question de chiffres. C'est parce que vous êtes une femme toute seule, que vous venez de reprendre votre entreprise, c'est trop prématuré. Et puis oui, enfin, elle m'a bien fait comprendre que c'était le côté femme seule avec trois enfants. Pourtant, l'installation et l'accès au financement n'est pas la seule difficulté que les agricultrices peuvent rencontrer au cours de leur parcours. En effet, la séparation entre la vie professionnelle et privée est moins marquée en agriculture, ce qui renforce les logiques inégalitaires. D'autant plus qu'elles cumulent les activités. Elles sont femmes, mères, épouses, agricultrices et parfois même bénévoles ou membres d'une institution agricole. Cela engendre des difficultés d'articulation des temps de vie et donc la nécessité de prioriser tous les aspects du quotidien. D'autant plus qu'il y a une pression financière et sociale liée au métier d'agriculteur, d'agricultrice. Et à cela s'ajoute une charge domestique qui est souvent supérieure avec, par exemple, une étude de la Fédération nationale d'agriculture biologique de 2019 qui montre que 66% des agricultrices bio déclarent prendre en charge la totalité des tâches domestiques. Nous allons donc écouter maintenant le témoignage de Sonia, les femmes dans le monde agricole, une vidéo de la MSA, Sécurité sociale agricole, réalisée en 2024. Après, il y avait une autre petite difficulté la première année, c'est que du coup j'ai trois enfants, donc j'en ai eu deux en étant agricultrice. Et c'est de faire face un peu à la gestion du congé maternité, parce que pendant qu'on est en congé, il y a quelqu'un qui vient nous remplacer et cette personne, il faut la gérer. Donc parfois, c'est un petit peu difficile quand on a envie de passer la journée où on a un peu la tête à s'occuper de bébé, donc là c'était un peu des phases un peu plus compliquées. Comme en témoigne Sonia, la question de la maternité s'ajoute aux difficultés liées à l'articulation entre vie professionnelle et privée. Et cette question de la maternité peut même freiner bien plus que le côté physique du métier, pour plusieurs raisons. D'abord, la rémunération du congé maternité est versée à l'exploitation agricole pour qu'elle embauche en remplaçant et non à la femme. Surtout qu'en co-exploitation, c'est souvent l'homme qui décide de comment il va utiliser cet argent. Il y a aussi une difficulté de trouver un remplacement et de lui faire confiance, de le gérer comme le dit Sonia. Et souvent, au moment de l'installation, le statut social des femmes agricultrices est plus précaire et cela peut engendrer une situation extrêmement culpabilisante. Il y a également une difficulté d'accès aux informations sur le congé maternité. Donc résultat, seuls 55% des agricultrices recourent au congé maternité. Le congé maternité qui est un droit social qui a beaucoup évolué avec le statut des agricultrices, de la même manière que la reconnaissance professionnelle et la protection sociale. Au début du XXe siècle, les femmes étaient principalement considérées comme des aides familiales, sans statut professionnel reconnu. Je vous laisse avec un extrait de « Moi, agricultrice » de la LCP, où Michou Marcus, né en 1931, nous raconte les premiers recensements agricoles. je me revois encore quand le recenseur est venu et puis il me dit, et vous, vous je mets sans travail. Je lui dis, comment? Ah oui, et non, vous n'avez pas de métier. Je dis, agricultrice, c'est pas un métier. Ah non, c'est pas reconnu comme un métier. En effet, le mot agricultrice n'est apparu dans le dictionnaire du Larousse qu'en 1961. La reconnaissance de leur travail est d'abord passée par la création de groupements agricoles d'exploitation en commun, les GAEC dans les années 60, puis du statut d'associé dans les années 70. Ces mesures finissent par se révéler inefficaces pour les femmes qui restent dépendantes du chef d'exploitation. Ce n'est qu'en 1980 qu'est créé le statut de co-exploitante, suivi de la création des exploitations à responsabilité limitée, EARL, dont elles peuvent être chefs. Ce nouveau statut leur permet une individualisation par rapport à leur mari. Leur travail est enfin vraiment reconnu par la loi. Elles n'auront cependant accès à la retraite qu'en 1999, avec la création de statuts de conjoint collaborateur, mais auxquels elles ne pourront accéder qu'avec l'accord de leur mari jusqu'en 2006. Les statuts agricoles deviennent obligatoires en 2009 pour toutes les femmes travaillant sur les exploitations agricoles. Elles ont alors accès à la protection sociale, donc les retraites, le congé médical, le congé maternité. En 2010, la constitution de GAEC entre conjoints est autorisée pour donner un statut juridique au travail du conjoint dans une exploitation agricole. Ce n'est qu'alors que femmes et hommes ont obtenu les mêmes droits devant la loi en agriculture. En 2019, c'est encore 132 200 femmes d'exploitants qui n'ont toujours pas de statut. Donc c'est 20% des femmes actives agricoles. Au niveau des inégalités de revenus et d'allocations aux retraites, la rémunération des agricultrices est inférieure de 29% à celle des agriculteurs, ce qui est bien supérieur à l'écart salarial entre femmes et hommes moyen en France, qui est de 15%. Et il en va de même pour leur retraite, on l'écoute. Vous savez combien vous allez pouvoir toucher comme retraite, vous, après une vie entière de labeur? J'espère 600, 650, j'espère, mais c'est quand même franchement pas assez, quoi. Et tant qu'on est deux, ça va. Et le jour où on est toute seule. Vous venez d'avoir un extrait de la voix de Christiane Pinault, agricultrice, lors du reportage dans l'agriculture des femmes en quête de reconnaissance, donc sur France 3. Leur retraite est en moyenne seulement de 570 € mensuels contre 840 € pour les hommes. Celle des conjoints collaborateurs est d'ailleurs encore plus faible. Le gouvernement ne prévoit pas de revaloriser les retraites, car il a seulement pour volonté actuellement de favoriser l'installation des jeunes. On vient donc de faire un tour d'horizon des difficultés rencontrées par les agricultrices tout au long de leur parcours. En réponse à ces nombreux défis et ces inégalités structurelles et socioculturelles, des femmes et des hommes se lèvent et développent différents leviers pour en venir à bout. Nous allons à présent vous parler de l'un de ces leviers, les collectifs en non-mixité choisie. Donc ces collectifs, ils permettent d'offrir des espaces d'échange et de soutien. Ils permettent aussi de partager les difficultés, mutualiser les ressources, qu'elles soient intellectuelles ou matérielles, ou encore elles permettent de renforcer l'entraide. Donc maintenant, nous allons accueillir deux agricultrices qui font partie du groupe Femmes du CIVAM Loire-Atlantique. Mais avant ça, on va faire un petit point sur les CIVAM. Donc ce sont des centres d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural. Et c'est un collectif qui va permettre de soutenir une agriculture durable et des initiatives locales pour dynamiser les territoires ruraux. Donc, les intervenantes que nous allons accueillir sont agricultrices. Il y a Laura Guillemine, qui est en cours de reconversion professionnelle et elle a pour projet de s'installer en élevage laitier avec transformation fromagère. Actuellement, elle se forme avec un BTS AXE, donc ça signifie analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole. Et elle effectue un stage dans une bergerie. Et elle est également mère de 4 enfants. La deuxième agricultrice est Gwenaëlle Falchi, installée depuis 2017 avec son conjoint sur une exploitation en vaches laitières avec transformation fromagère en agriculture biologique. Bonjour Gwenaëlle, bonjour Laura. Est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose à cette présentation qu'a faite Camille? Bonjour. Rien à ajouter, c'est tout à fait ça. Est-ce que Gwenaëlle, vous pourriez rapidement présenter le groupe Femmes du CIVAM de Loire-Atlantique, s'il vous plaît? Alors, le groupe en non-mixité choisie est du CIVAM 44. Il a été créé en 2013 suite à deux agricultrices lors d'une journée de formation avaient des soucis sur leur ferme et se sont rendues compte qu'elles avaient les mêmes soucis mais qu'elles ne se connaissaient pas forcément. Et du coup, elles ont dit, ça serait quand même... On ne doit pas être les seuls à avoir ce genre de problème. Ce serait sympa de pouvoir se retrouver et de parler de ces difficultés-là, d'être femme en milieu agricole et des difficultés qu'on peut rencontrer. Et du coup, le groupe a été lancé. Le CIVAM a entendu cet appel-là, il a mis une animatrice et a créé ce premier groupe en 2013. Alors, ce groupe, il a différentes règles. Alors, ce sont des règles qui, moi qui ai intégré le groupe récemment, j'ai pu découvrir et qui m'ont aussi rassurée pour me lancer dans ce collectif. C'est qu'il y a une règle de confidentialité. Le milieu agricole est quand même un réseau où on a vite fait de connaître le voisin de son voisin. Et c'est très important pour que tout ce qui est échangé au sein de ces journées femmes reste vraiment entre nous de façon confidentielle. Et c'est aussi un lieu de partage en dehors des étiquettes politiques et syndicales. Et voilà, parce qu'on est là pour partager notre condition de femme dans l'agriculture. Et il y a d'autres lieux pour parler politique ou syndicat. Après, ce groupe-là, le but, c'était de faire des formations en non-mixité choisie. Donc, pourquoi en non-mixité choisie? C'est pour prendre confiance en nous, déjà, dans un cadre sécure, où on se sent bien. Pour après pouvoir rapporter cette formation-là sur nos diverses exploitations et être plus à l'aise pour apporter notre savoir-faire, parce que la formation rend libre et c'est en apprenant et en se formant qu'après on se sent plus sûr de soi pour s'affirmer dans notre quotidien d'agricultrice. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez nous dire du coup quand et pourquoi vous avez rejoint le groupe ? Pour ma part, je suis donc au début de mes démarches pour une installation en agriculture et j'ai eu quelques contacts auprès d'agriculteurs en recherche de stage ou auprès d'institutions agricoles où on me demandait si j'étais accompagnée par un mari ou un frère dans mon projet, ce qui n'est pas le cas. Et la deuxième question qu'on me posait, c'était de savoir si je savais conduire un tracteur. Et donc, j'ai bien compris que pour gagner en légitimité, il fallait que j'apprenne à conduire un tracteur. Et donc, du coup, je me suis tournée vers les formations CIVAM. Et j'ai eu la chance de bénéficier donc, de cette formation où j'ai appris donc, à conduire un tracteur en non-mixité, du coup, de façon tout à fait conviviale et dans lequel je me suis sentie vraiment à l'aise. Et c'est à cette occasion, en fait, que j'ai découvert le groupe Femmes et les actions qui étaient menées, et ça m'a donné l'envie de m'y investir. Et pour ma part, moi, donc, je me suis installée en 2017, et en 2016, un an avant mon installation, j'étais en contrat parrainage, donc aidée par la région, le temps de s'installer, de connaître mieux la ferme sur laquelle moi et mon conjoint, on allait s'installer. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que, être femme en agriculture, c'était pas si simple que ça. Et moi, malgré que j'avais des études agricoles, j'avais fait une formation classique, donc avec beaucoup moins de stages. J'étais pas en alternance, contrairement à mon conjoint. Ce qui fait qu'il y avait plein de choses que je ne savais pas, donc il fallait que je me forme. Et j'ai entendu parler de ce collectif-là. Et je me suis dit, peut-être qu'ils auront les mêmes problèmes que moi, à savoir mieux se former, arriver à gérer la vie pro et la vie perso, différencier les deux, mener à bien les deux. Et donc, j'ai intégré le groupe un an avant mon installation, en 2016. Et depuis, je ne l'ai pas quitté. J'ai fait plein de formations diverses et variées qui m'ont confortée dans mon choix d'agricultrice. Mais je pense que sans ce groupe, j'aurais arrêté, en fait. Parce que c'était vraiment ma bulle d'oxygène. Et j'arrivais avec des valises pleines et je repartais toute légère. Et du coup, quand je retravaillais sur la ferme, c'était avec grande joie, puisque j'avais pu mettre sur la table ce qui n'allait pas. Et donc, vous faites des formations dans ce collectif. Quelles autres actions sont mises en place ou... Alors, c'est essentiellement des formations, mais choisies par les agricultrices, déjà. Et d'ailleurs, ce qui est assez rigolo, c'est que en fait, c'est souvent à l'initiative des agricultrices, donc en non-mixité choisie. Et après... ces formations-là, les hommes disent « Pourquoi nous, on n'a pas ce genre de formation ?» Et du coup, c'est des formations qui deviennent en mixité par la suite. Ça a été le cas, par exemple, sur prévention santé, ça a été le cas sur le comportement animal, ça a été le cas sur accompagnement aux mises bas. C'était à l'initiative du groupe femmes. Et finalement, après, ça a été une formation qui a été aussi proposée en mixité pour toutes et toutes. Et après, il y a un autre volet, mais qu'on n'est pas forcément obligé de suivre, c'est celle que ça intéresse, qui est un peu plus politique, où par le réseau CIVAM national, du coup, il y a un plaidoyer qui a été fait sur qu'est-ce que les femmes agricultrices, du coup, aimeraient aimeraient changer dans leur métier pour être légales, en fait, pour être reconnues et être égales. Mais voilà, ça après, c'est un autre volet qu'on suit ou qu'on ne suit pas. Et après, on a eu des interventions aussi dans les classes. On peut intervenir dans les lycées, notamment. Voilà. Et est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de la pièce de théâtre que vous avez faite et du film, même si c'était il y a quelque temps déjà? Alors, en fait, avec le groupe, on avait demandé une formation confiance en soi, prise de parole en public, confiance en soi. Donc, à l'origine, c'est ça. Et du coup, notre animatrice nous a proposé de faire, pour cela, de faire quelques cours de théâtre. Donc, elle avait fait venir une intervenante en théâtre sur la prise de parole, etc. Et puis, du coup, ça s'est transformé en pièce de théâtre, ce qui n'était pas prévu au départ. Une pièce de théâtre qui a été faite avec que des bouts de toutes les formations qui ont été faites depuis l'origine du groupe Femmes. Ou toutes des situations qui ont été vécues, etc. C'est une pièce de théâtre qu'on a montée en 2019. Et durant le montage de cette pièce de théâtre, en parallèle, il y a deux réalisatrices nantaises qui ont demandé à nous suivre. Et du coup, elles en ont fait un film sur « C'est quoi un groupe en non-mixité choisi ?». Donc, c'est les films Hector Nestor qui ont produit ce film et qui a été diffusé à la télé, mais aussi dans toute la France, toujours dans des soirées débat. Alors, ce que ça nous a apporté à nous, ben la confiance en soi, ça c'est sûr, parce que du coup, faire une pièce de théâtre avec 300 spectateurs et spectatrices uniquement du monde agricole ou sa famille, c'est assez particulier. Ça génère beaucoup de stress et là, on s'est vraiment mis à nu, ce qui nous plaisait et ce qui nous plaisait pas dans notre métier. Et après, le film, c'était tout à fait un autre volet, donc c'est les prises de parole en débat, du coup, hein, savoir débattre avec les gens. Donc ça, c'est ce que nous, ça nous a apporté à nous, mais c'est surtout que ça, en le montrant dans toute la France, dans toutes les zones possibles, ça a créé l'émergence de plein de groupes en non-mixité choisis dans le monde agricole. Et ça, c'est vraiment un beau cadeau, et on remercie les films Hector Nestor, Isabelle et Tesli pour ça. Voilà, parce que du coup, ça a permis à d'autres de voir qu'on pouvait se rassembler, on pouvait s'entraider, et que la sororité était là, et qu'il fallait user et en abuser. Oui, donc et le film s'appelle Croquante et est disponible sur France TV. On mettra le lien en description si les auditeurs et auditrices ont envie de l'écouter, de le regarder. Ce qui est intéressant aussi dans les actions qui ont été portées au sein du collectif, c'est qu'on est sur quelque chose de très ouvert et effectivement où la sororité est importante, quel que soit notre âge, notre origine géographique, notre production, si on est en bio ou pas en bio, en fait, ça dépasse vraiment ces éléments-là. Et donc, il y a des personnes de tout âge, de tout horizon, des femmes surtout. Et c'est ça qui est aussi dynamisant dans l'échange et dans la construction de son parcours professionnel. Du coup, pour continuer sur ce que le collectif en non-mixité choisie vous apporte personnellement, et professionnellement, vous penseriez à quoi La formation, déjà, l'entraide, parce qu'on fait aussi des chantiers participatifs. C'est-à-dire que si quelqu'un, une du membre du groupe, à un instant T, a besoin de quelque chose de précis, on se sert de cette demande-là pour faire une journée d'échange et pour aller l'aider. Ça peut être du maraîchage, ça peut être graisser des barrières dans un bâtiment, ça peut être plein de choses comme ça. Donc, c'est de l'entraide. Et puis, un espace privilégié, je dirais, d'écoute et de partage de notre métier. Et oui, moi, je me reconnais tout à fait dans ces éléments-là parce que en étant début de parcours, effectivement, tout ce qui est porté, tout ce qui est autour des apports de connaissances et de compétences, c'est très intéressant. J'ai pu apprendre à manier donc une scie circulaire pour la première fois sans me blesser et en toute sécurité. Et puis j'ai aussi pu apprendre les rudiments du tracteur aussi sans me sentir jugée. Et ça donne une béquille. Je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas vraiment un appui solide pour avancer dans son quotidien. Et puis c'est aussi un endroit où on peut échanger sans jugement sur, là, moi, c'est encore au stade du projet, mais je peux faire part de mes réflexions, de mes inquiétudes. Et puis, ça me donne aussi l'occasion de tisser du lien avec des agricultrices sur le territoire et d'aller découvrir aussi d'autres lieux un peu plus loin que chez moi et d'autres productions. Donc voilà, c'est un lieu sain et serein. Et alors maintenant, quels sont vos projets pour le futur à titre personnel et au niveau du groupe Alors, au niveau du groupe, je pense qu'il y a une volonté d'accueillir plus de monde en son sein, puisqu'il y a un noyau dur de personnes qui sont là depuis quelques années et qui ont porté vraiment une dynamique forte sur le territoire local et puis même au niveau national. Et il y a l'envie de pouvoir ouvrir ses portes et accueillir encore plus de femmes pour maintenir ce lien. Et donc moi, à titre personnel, le souhait, c'est de continuer à m'y investir et jusqu'à arriver à un jour où je pourrai faire bénéficier de mon expérience acquise à d'autres futures agricultrices qui rentreront dans le groupe. Mais donc ça, on est sur un temps un peu long quand même. voilà, et après l'autre volet plus politique qui est aussi porté par celles qui sont depuis plus longtemps dans le groupe, c'est justement d'assister aux rencontres nationales, etc., de répondre, ça peut être à des interviews ou autres, sur qu'est-ce qu'il faudrait améliorer pour les femmes en agriculture, sur la condition, sur les retraites, etc., etc. Merci. Alors pour finir, est-ce que vous auriez autre chose à ajouter ou un message que vous souhaiteriez faire passer aux agricultrices et aux futures agricultrices ? Eh bien, rejoignez-nous. Je pense que c'est le meilleur message. N'hésitez pas, rejoignez-nous. Eh bien, merci beaucoup. On a besoin d'agricultrices pour faire avancer les choses. Merci beaucoup à toutes les deux, Gonaëlle Falchi et Laura Guillemine. Vos témoignages montrent bien à quel point les collectifs en non-mixité choisie offrent des espaces précieux pour s'entraider, se renforcer et faire avancer les projets. Et à l'image de votre groupe en non-mixité choisie, ça donne de l'espoir de voir toutes ces initiatives inspirantes qui voient le jour et qui continuent à faire bouger les choses. Et en parlant de ces initiatives inspirantes, pour essayer de mieux saisir les enjeux autour de la place de la femme en agriculture, nous aimerions vous partager quelques autres projets qui nous ont marqués. Donc, il y a tout d'abord le projet étudiant Femmes des Terres. Plusieurs binômes qui sont partis en France et autour du monde afin de comprendre la construction de sociétés sous le prisme du travail des agricultrices. Après, il y a une bande dessinée que nous avons eu la chance de lire, qui est réalisée par 5 agricultrices qui s'appelle « Il est où le patron ?», qui aborde le sexisme dans l'agriculture à travers des anecdotes et des expériences vécues, et qui met bien en lumière les défis et les stéréotypes auxquels elles sont confrontées dans leur quotidien. Il y a un film aussi qui s'appelle « La terre des hommes » et qui traite des violences sexistes et sexuelles dans le monde agricole. Et il y a de nombreuses conférences qui ont pu nous marquer, donc notamment par exemple conférences et débats organisés par la FADEAR, donc qui sont des événements qui abordent les freins et les leviers pour l'installation des femmes dans l'agriculture, avec des témoignages, des études de cas. Donc ces projets montrent l'importance croissante de la reconnaissance et du soutien des femmes dans l'agriculture, et ils nous donnent des outils pour changer le rapport de genre. J'espère qu'ils pourront vous intéresser et on va le mettre en ressource de ce podcast. Donc notre épisode touche à sa fin. On espère que ce sujet vous a intéressé et vous a plu. On aimerait encore une fois remercier les intervenantes, Laura Guillemine et Gwenaëlle Falchi, ainsi que le groupe Femmes du CIVAM de Loire-Atlantique et Jade Moget, animatrice agriculture durable au sein de ce CIVAM. Nous tenions aussi à remercier Campus FM, l'école d'ingénieurs du Purpan, les enseignants qui nous ont accompagnés, Sophie Yvon, Simon Gugliano, Adeline Bouvard, ainsi que Chloé Lebrun qui nous a conseillés pour toute la thématique. Et pour finir, nous souhaiterions également avoir une pensée particulière pour toutes celles et ceux qui se sont battus et qui continuent à se battre chaque jour pour faire avancer la cause des agricultrices. Merci de nous avoir écoutés, c'était AgroJécoute pour Campus FM. Merci beaucoup. Merci.